À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Botsombo, le journal coréen Le Dong Sinmun a inséré le 4 juin un éditorial titré « Le flambeau de Botsombo éclaire toujours l'histoire d'invincibilité de la Corée du Tsutse ». Il a écrit « La bataille de Botsombo, commandée par le président Kim Il-sung, a été l'événement historique qui a opéré un tournant décisif de la lutte armée anti-japonaise pour la libération de la patrie colonisée. Grâce au coup de feu à Botsombo, la Corée du Tsutse a réussi à laisser de la bombe hydrogène annonçant la ruine de l'impérialisme et elle est devenue la puissance nucléaire de l'Orient et la puissance de fusée de l'Asie. Toute l'armée et tout le peuple doivent savoir toujours la portée de la victoire dans la bataille de Botsombo et s'unir plus étroitement autour des dirigeants suprêmes Kim Jong-un pour la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire Tsutse, œuvre d'édification d'une puissance socialiste.